Page 11. Comment s'appelle le métro à New York? La forme négative. Vocabulaire. Le bois. La boîte. Le croissant. L'étoile. Le moi. L'oiseau. Le poisson. La voiture. Le roi.